Cours numéro 29. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Hamoud al-Twijri rahmatullah alayhi. Qala ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala wa qad ruwiya ba'du hadha al-kalam marfu'an. Qala wa an Aishata radiyallahu anha qalat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام مرفوعا لضعيف قال في الحاشية ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة فهذا إلى الثابت عن بعض الأئمة كما تقدم dans notre درس précédent بعض الأئمة ils ont cité hada anna man waqara sahib bid'a faqad a'ana ala hadm al-islam limadha li anna al-bid'a ça fait pas partie de l'islam bal ce texte il va contredire un hukm ou une sha'ira min sha'air al-islam amma marfu'an 'ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fala yathbut c'est da'if wa qala muhammad ibn an-nadhr al-harithi man asgha bi sam'ihi ila sahib bid'a نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه عقوبة له. Ça c'est une punition. لماذا؟ لأنه il écouta هؤلاء الظلمة المبتدعة. وهذا كذلك تقدم معنا. On l'a vu ensemble le sens de ce athar dans le درس précédent. وقال يونس بن عبد الأعلى. قال الليث ابن سعد من أئمة السنة رحمة الله عليه. Il était à l'époque de l'imam Malik, wa rahimahullah. لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي رحمه الله. Ils ont informé à l'imam الشافعي عن كلام الليث, الإمام ابن سعد. إنه ما قصر. لو رأيته يمشي على الهوى ما قبلته. لعل الماء في قول الإمام الشافعي زائدة إنه ما قصر لأن الأثر إلي غابوكتي dans d'autres مصادر بدون ما فسيون لي بدون ما ربما ça va être plus clair قال الليث بن سعد لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته ça c'est une فائدة نفيسة أن الإنسان لا يغتر بأهل البدع même s'ils ont une belle voix, même s'ils font beaucoup d'adoration, même s'ils sont sérieux dans tel domaine. Si c'est un mubtadi', un munharif, fahdharhu. C'est pour ça que l'imam al-Layth ibn Sa'd rahmatullah alayh, il a cité hada, law ra'ayta, si je vois un innovateur, yamshi 'ala al-ma, marcher sur l'eau. Et la shak anna marcher sur l'eau, c'est min khawariq al-'adat. L'être humain en général, il peut pas marcher sur l'eau. S'il marche sur l'eau, c'est min khawariq al-adat, ou c'est min al-karamat, ou c'est min hadha al-bab. Al-imam al-layth rahmatullah alayhi, قال, même si je le vois marcher sur l'eau, j'accepterai pas de lui. Wa hakadha nahnu. La yanbaghi an naghtar bil madhhar, ou annahu il a beaucoup d'élèves, ou annahu il a beaucoup de suiveurs, ou il est éloquent, ou annahu il a aidé un tel, il a fait tel. Ce qu'il a fait de bien, s'il a fait un bien sincèrement et en suivant son sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yujazi. Mais nous, on fait attention à notre cœur. Wa min huna, yatabayyana anna ba'd an-nas mélange fi hadha al-bab, mélange entre les sentiments et mélange entre le fait de préserver son cœur. Tu peux trouver wahid madalan, c'est un fadil fi ba'd al-abwab. Il aide, il est généreux et il a des shubuhat, il veut pas s'arrêter, il a des bid'ah. Si on le rejette, ça ne veut pas dire que c'est un kafir, il n'a aucun bien. Le bien qu'il a, c'est entre lui. Allah subhanahu wa ta'ala. Amma nahnu, pourquoi on fait attention? Pour préserver notre cœur. Fatadakkar, hadhihi al-fa'ida. Al-imam al-Shafi'i, rahimahullah, quand ils lui ont rapporté, qala innahu qassar. Fabihada, Allah, rubama, c'est awdah. Innahu qassar, ay al-imam al-layth, rahimahullah, qassara. Et il n'a pas été assez loin. Limadha, l'imam Shafi'i, قال, لو رأيته يمشي على الهوى ما قبلته. Et هكذا, هذا اللفظ فيه شيء. Il n'est pas clair. Dans un autre lafz, لو رأيته يطير في الهوى. Et si je le vois voler في الهوى, et en l'air, dans les cieux, j'accepte pas de lui. فهكذا ils ont préservé leur دين وهكذا ils ont fait passer الحق avant leur propre sentiment. بعض الناس يقول لي pourquoi tu écoutes un tel, tu le montres que c'est un munharib. ثم il fait passer les sentiments. لكن il a dit telle chose, il a une belle voix, il a fait kada, il a akhre. Ces choses, si c'est vrai, on ne les renie pas. لكن madhhab al-salaf pour préserver ton dîn, et c'est pourtant bien, fais attention. Est-ce que wahed il va, si tu dis à wahed, ce verre de lait ou ce verre de jus, je vais mettre une goutte de poison. Est-ce que wahed il va dire, masha'Allah, le verre, 99% c'est du khayr, c'est sucré, c'est frais, je vais boire. Il y en a 7 gouttes, elle pourra te faire beaucoup de mal. Enfin, ce verre, tu le verses, tu n'en as pas besoin. Tu l'évites, ce verre. Tu le nettoies et tu remplis min jadid sans poison et tu profites. Tant qu'ils font pas de tawba, on n'a pas besoin d'eux. Shay'un akhar, ce verre avec du poison, tu as un autre verre à côté, avec le même jus, la même quantité, sans cette goutte de poison. Est-ce que tu vas prendre la goutte de poison et délaisser le verre sans poison? On te dit, tu as le choix. Et on t'informe, il y a du poison dans ce verre, dans ce verre, il n'y a pas de poison. Al-aqil, l'être humain normal, il va boire le verre où il n'y a pas de poison. Antal-an, ce bien que ce moubtadi'ila, ce haq que le moubtadi'ila, l'enna, même le moubtadi'a, tu trouveras, il a shay min al-haq. Khasatan, si sa bid'a, c'est pas une bid'a koufriya, même si sa bid'a, c'est une bid'a koufriya, ahyanan, la shak, ils ont du haq. Maintenant, ba'dhoum, ils aiment le rasoul, ba'dhoum, ils font salat, ils font le hal, tout ça, c'est du bien. Ba'dhoum, si on revient au niveau ilm, ba'dhoum, ils ont du ilm. Ils ont du ilm fil nahou, ils ont du ilm fil mustalah, ba'dhoum, ils ont du ilm fil fiqh, ba'dhoum, ils ont du ilm fi al-fara'id, ba'dhoum, ba'addid, kathiran. Ce bien, tu le trouveras inda alim sunnah. La question qu'on va se poser, pourquoi revenir à Ahlul Bid'ah? On n'a plus de savants. Il n'y a plus de talabat al-ilm min Ahlul Sunnah. Il n'y a que des innovateurs. Hatta on n'a plus le choix. Abdan. Voilà, c'est un mythal. Tayyib jiddan. Qala ibn al-Jawzi, rahimahullah, wa huddithu an Abi Bakr al-Khalal, an il-Marrudi, an Muhammad ibn Sahl al-Bukhari, qala kunna. Muhammad ibn Sahl al-Bukhari, c'est pas sahib al-Sahih. صاحب الصحيح اسمه محمد بن اسماعيل وهذا اسمه محمد بن السهل قال كنا عند الفرياب فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل لو حدثنا كان أعجب إلينا et à notre époque c'est la même chose. الفرياب il critiquait des innovateurs. Un homme dans l'assise lui a dit, si seulement tu حدثنا, hey, tu nous cites des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin de parler sur les gens. Kana a'jab ilayna, c'est mieux pour notre cœur, c'est mieux. Cette shubha ila yawmina hadha. Ba'd an-nas yubghiduna ar-rudud al-'ilmiyya. Et ils pensent que c'est de la médisance, et ils pensent que ça fait mal au cœur, et ils pensent que ça divise. Ce qui divise, c'est le bid'a. Ce qui divise, c'est ahlul bid'a. Et diviser entre le haqq et le batil, c'est matloub. كما جاء في الحديث محمد فرق بين الناس اي dans une رواية فرق بين الناس القرآن الله سبحانه وتعالى نزله dans le Coran une سورة الفرقان يفرق بين الحق والباطل فالفة de diviser de trancher entre الحق والباطل حتى الحق se distingue فهذا c'est مطلوب. أما on vient à une époque أن كثيرا من الناس تأثروا بجماعة الإخوان المسلمين بوكو عيادا بالله من مبادئ هذه الجماعة c'est leur nom ils n'ont pas appelé إخوان مسلمون هكذا لا إخوان مسلمون frères musulmans et on est tous des frères الشيعي والصوفي والسني والباطني وils ont à notre époque حتى بعض النصارى الآن توسعوا عيادا بالله cette جماعة c'est une جماعة contre هذا التميز que أئمة السنة ils nous ont montré ils ont propagé. فحذر tant que l'insan il parle بعلم et il a des preuves فالجرح والتعديل c'est une ni'ma بل c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé هذا الدين avec أئمة الجرح والتعديل. بعض الناس ils sont figuifs là, هذا الكتاب que tu lis مثلا صحيح البخاري que tous les muslimons ils aiment que même un muslim il aime ce kitab et ربما il a une nuskha chez lui هذا الكتاب في الحقيقة اللي فوندي سور الجرح والتعديل لأسانيد كتا الإمام بخاري pourquoi il a pas accepté certains c'est من باب الجرح pourquoi il a accepté certains c'est من باب التعديل لكن جهل الجهل ils connaissent pas la valeur de هذه الأسانيد هذه الأسانيد comment ils ont été والله الحمد épuré حتى le hadith est arrivé en temps صحيح بالجرح والتعديل الإمام بخاري l'a rejeté فلان سيو الحيض فلان فيه تشيع فلان يكذب فلان c'est pas un thiqa tout ça c'est du جرح. Tout ça, c'est de la critique. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran. Combien de versets subhanahu, il critique les Yahoudis, il critique les munafiqoun, il critique les injustes. Tout ça, c'est du jarh. Pour pouvoir, walilayhan, distinguer entre le vrai et le faux. Il y a un tas de prophètes. Tu fais attention au makre des juifs, des chrétiens, et la akhir. Et fil haqiqa, hatta ha'oula qui sont contre, qui n'aiment pas les répliques, les redoutes. On parle de ilm, amma les redoutes de as-sufaha wal juhal, hada on n'en tient pas compte. Là, on parle de redoutes ahl al-ilm, wa talabat al-ilm qui parle de ilm wa hikma wa bi haq. Hada on doit l'accepter. Et comme قلنا ان حقيقه هؤلاء le font في الدنيا. Comme يقول بعض اهل العلم في الدنيا ils le font. مثلا certaines personnes tu n'achètes pas chez eux, لماذا لانه il y a un jarh. Ton voisin, il te dit, مثلا, ne va pas chez tel boucher, limada, li annahu, la viande, elle est mal conservée, annahu, il ment, annahu, kada. C'est du jarh. Pourquoi tu critiques ton frère? Dans ce cas-là. Bardenness, pour un kilo de légumes, robama, qui vaut pas grand-chose, robama, il accepte le jarh. Si tu lui dis, fais attention, les légumes chez lui sont pas frais, il te remercie. Pour son dîne, quelque chose qui va préserver son cœur, tu lui dis, attention. On parle pas d'un kilo de légumes, là, on parle de ta'aqida. Attention, fulan, c'est un soufi. Attention, Foulan, c'est un Ash'ari. Attention, Foulan, c'est un Rafidi. Fais attention, tes enfants ne les placent pas dans telle école. C'est un Takfiri, c'est un Ikhwani. Pourquoi tu parles sur les musulmans? Androu. Androu al-Dha'af. Fali hada, hada l'imam qala, kana a'jabu l'aynak, faqal faghadiba. Cet imam, il s'est énervé quand il a entendu cette parole. Et il ne parle pas sur les gens. Waqal kalami fi ahl al-bida' ahabu ilayya min ibadati 60 sana. انتهى ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله لماذا il a cité هذا le fait que je parle sur اهل البدع c'est mieux que l'équivalent d'adorer Allah 60 ans لماذا لان le fait de parler sur اهل البدع في الحقيقه ça va te faciliter l'adoration ربما tu suis ce mubtadi et va t'apprendre une adoration c'est une invention elle est pas acceptée عند الله عز وجل tu perds ton temps. فالكلام في اهل البدع c'est مهم mais ça fait partie des fondements de اهل السنه comme on a étudié ensemble fi usul ad-da'wah as-salafiyya al-allama Cheikh Abd Salam ibn Burjis rahmatullah alayh qala wa qad jama'a ash-shaykh al-imam Isma'il ibn Abd Rahman as-Sabuni nubdatan hasanatan fi 'aqidati ahli as-sunnah wal jama'ah hada san kitab nafis jiddan 'aqidatu as-salaf wa ashab al-hadith le livre c'est une référence. C'est un livre qui ressemble à Al-Wasitiyya, c'est le même niveau. C'est un livre pour les débutants dans l'Aqida. Et كثير من العلماء l'ont expliqué. Et في هذا الكتاب يعتنى جدا بنقل كلام بعض الأئمة في الرد على أهل البدع. Et Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, il a conclu son livre avec بعض هذه النقولات. Il a rapporté certains passages. قال فيها يجانبون أي أهل السنة أهل الحديث يجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم تقدم معنا أنا سيسي من بدعة كفرية فلا يحبونهم مطلقا سيسي من بدعة كفرية كبدعة الاتحاد والحلول بدعة الجهمية بدعة الرافضة فهؤلاء نبغضهم مطلقا لماذا لان العلماء حكموا عليهم بالكفر الروافض والجهميه سي با دي مسلمون سي سي ان مبتدع اي سا بدعه لو في با سورتير دو الاسلام فلا نحبه ونبغضه لكن سي با ان بغض بالاطلاق لا اون لو ديتست با كوم اون ديتست ان كافر لا اون لو ديتست باسكو سي ان مبتدع اي باسكو اي في دي بدع اي لا شك سي سي ان مسلم فسا ريست ان مسلم اي تقدم معنا أظن كلام شيخ الإسلام أو on l'a cité ربما بالمعنى أن المؤمن قد يجتمع فيه محبة وبغض. Un mu'min, tu peux l'aimer min jiha, parce que c'est un mu'min, et tu peux le détester كذلك en même temps. Tu l'aimes et tu le détestes. Tu l'aimes parce que c'est un croyant, tu le détestes parce qu'il fait telle chose min bid'a أو ma'asi. قال ولا يصحبونهم هذا تقدم معنا كثيرا أي اللي فخيكم با ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم هذا تقدم معنا الجدال والمناظرة مع أهل البدع تخي تخي غاو يتقدم معنا كساس حسيا أو مباشرة بلوتو أي فاس فاس أو avec les وسائل de notre époque. C'est un nom min al-mujalasa, bel c'est akhtar. C'est akhtar. Limada, liana, c'est beaucoup plus simple. Et là, rubama, l'insan, il se lâche. Et rubama, hadha al-mubtadi'i yamkur bihi akthar, parce qu'il n'est pas en face de lui, il lui fait croire certaines choses. Ah, dans tous les cas, l'insan, il yabta'id. Min mujalasatihim wa munadaratihim wa mujadalatihim. Qala wa yarawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idha marrat bil adhan. ووقرت في القلب في القلوب ضرت. Et c'est ça العلة, c'est ça la cause. Pourquoi on doit pas les écouter? لماذا؟ لأنهم ils sont à la باطل, ils sont pas sur la vérité. Et كذلك celui خاصة celui qui n'a pas de science, أنه il pourra plus savoir est-ce qu'il dit vrai ou faux. ربما il va rejeter quelque chose de vrai, ربما il va accepter quelque chose de faux. Et c'est pour préserver le cœur. قال إذا مرت بالآذان ووقرت في القلوب. Vous vous rappelez أن الأذان, les oreilles, الأذن, c'est un منفذ إلى القلب. C'est un conduit pour le cœur. Le cœur c'est comme un récipient. فإذا مكنته من من من الس أو من أذنك أو لاستماعه, cette chose elle va rentrer, elle va passer par ton oreille, elle va rentrer dans ton cœur. قال ووقرت في القلوب. Ça te fera du mal. Wallahi, si une personne elle te fait manger un poison, c'est akhaf. Un poison qui te fera mal au corps, c'est akhaf que had. Il y en a même si tu manges un poison et tu faiblis, belle tu meurs, alhamdulillah. Ton iman il est dans le cœur. Rubama, c'est une cause, ça te fait monter l'iman. Tatoubi l'Allah, tu te repens, il a akhre. Amma, hada sum, al bid'a, c'est du poison. Si ça rentre dans ton cœur, voilà ton jisme, ton corps, tu verras pas de changement. Lakin, iyadam billah, ça fera beaucoup de mal à ta croyance, à ta foi et à ton din. Qala wa jarrat ilayha al-wasawis wal-khatarat al-fasida. Falimada l'insan il s'exposerait à hadhihi al-makhatir? Pourquoi s'exposer à ces dangers? Et on doit bien comprendre une chose. On doit pratiquer. Mitla hadha al-kalam, ça doit pas être que de la théorie. Kadhalik, on doit pas penser que c'est que les autres. On parle que sur les autres. Oh, Fulan il parle avec Ahlul Bida', Fulan il suit un tel dans les réseaux sociaux, et nous on se lâche. Dès que c'est nous, c'est le da'wah. Dès que c'est nous, mashallah, c'est, on a le qudra, on est capable. On n'est pas capable, on n'a pas le qudra, il faut voir la vérité en face. À notre niveau, on s'écarte de Ahlul Bida'. On n'a pas besoin. Apprends ton din. Tu n'es pas responsable. Tu n'as pas leur niveau. On ne parle même pas le niveau d'un savant. Là, on n'a pas le niveau de Ha'ula al-Mubtadi'a al-Dullal. On reste à notre place et on apprend notre dîme. Attends, ferme les portes de Shaitan. Et on s'entraide vihada. On conseille nos frères de s'écarter. Qala ila an qal. Ay al-imam al-Sabuni rahmatullah alayhi. Wa attafaqu. Ay ahl al-sunnah ma'a thalik ala al-qawli bi qahri ahl al-bida'a. وإدلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. Vous vous rappelez هذا الكلام, on l'a cité au début du chapitre quand on avait cité أن المسألة فيها إجماع, أي l'unanimité des savants sur le fait de boycotter les innovateurs, et on avait cité هذا الكلام بالنص. Donc, celui qui ne l'avait pas recopié, falhamdulillah, al-kalam il est huna. Et ce kalam il est important, limada li annahu il a cité l'ittifaq. Qal wa attafaqu ay a'immatu as-sunna. Et leur ittifaq, leur ijma' fihi khayr, c'est le huda. C'est din al-haq, c'est la compréhension du Coran et de la sunna, leur ijma'. Ay l'unanimité, le consensus des imams de la sunna. قال وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف. انتهى كلام الإمام الصابوني de sa risale Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith. Et هذا, c'est la conclusion de Al-Sheikh Hamoud, rahmatullah alayhi. وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في هجر أهل البدع ومن يميل إليهم كثير جدا. وفيما ذكرته ها هنا كفاية إن شاء الله تعالى. صحيح أن سكيلا سيتي في الحقيقة سي نبدة طيبة خلاصة نفيسة سي غيزومي سو شابيتر في البدعة والتحذير من البدعة ومن أهل البدعة دو سيت رسالة تحفة الإخوان سي أن غيزومي طيب سا تو سوفي في الحقيقة. Et celui qui veut Al-Mazid, on a cité les références. Kitab al-Sharia de l'imam al-Ajurri, et Kitab al-Ibana de l'imam al-Watta, et Kitab al-Sharh usul al-Atiqad al-Sunna de l'imam al-Lalaka'i, et Kitab al-Sunna li al-Khalal, et Kitab al-Aqidat al-Salaf al-Sabouni, et d'autres livres. Kitab al-Sunna li l'imam Abdullah ibn al-Imam Ahmed, et beaucoup de livres. Al-Sunna ibn Abi Asim, tous ces livres. Il rapporte des athar et la plupart de ses livres, dans ses livres, il y a beaucoup de chapitres sur Ahl al-Bida. Ces livres, ils t'expliquent madhab wa manhaj al-salaf. À notre niveau, certains de ces livres, on n'a pas accès. Imma des faiblesses en langue arabe, imma des faiblesses dans la compréhension. Il y en a, c'est des livres musnada, c'est avec l'isnad, et tu n'as pas l'explication des athar dans beaucoup de ces livres. Certains livres, ils expliquent, comme l'Ibana, comme Sharia. L'imam al-Ahjuri et Ibn Battah, ils expliquent كثيراً. Dans d'autres livres, c'est comme Sahih al-Bukhari, tu as des athar ou des ahadith. Ça demande un certain niveau pour comprendre, pour revenir à kalam ahli al-ilm. Lakin, ala kulli hal, insan au moins il connaît ses références. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui facilite, s'il peut les acheter, thumma il peut les lire, les comprendre. Lakin bit tadarruj. Wahid, il connaît rien de sa aqida, il a du mal en arabe. Il veut lire fi kitab al-Sharia ou kitab al-Ibana, fa c'est yata'b. Robama il va lire des choses, il va les appliquer sur Ammi min al-Awam qui aime le haq, lakin il fait peut-être une innovation, mais là il ne sait pas. Hada bi at-tadarruj, l'insan il apprend sa aqida et arrive à un niveau bi idhnillah azza wa jalla il comprendra ce genre de livre. Qala wa ma'a hada faqad aba ahlu al-aql al-ma'ishi ila an yukhalifu ma kana alayhi salaf al-umma wa a'immatuha. Vous vous rappelez de Kalam Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, il y a quelques semaines, il avait expliqué à Ba'd al-Dullal, Ahlul Aql al-Ma'ishi, où là ils pensent qu'à leur ventre et à leur poche. Et il avait mis en garde contre ces innovateurs, ces égarés, égareurs. Et Huna, il conclut en montrant كذلك leur hal, annahum khalafu ma kana alayhi salaf al-umma. C'est ça la cause de leur égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est bi kulli shay'in alim. Kadhalik ba'dhum l'intention ila akhir. Ala kulli hal, revenir à la compréhension des salafs, c'est très très important. Ha'oula, ils ont ouvert un bab très très grave, vous avez remarqué. Wa sayati kalam Cheikh Hamoud, on le lit. Awalan, qala fatarahum yubalighuna fi tawqir ahl al-bid'ah. Wa ta'zimihim wa yahrisuna ala mu'akhatihim wa musahabatihim wa da'watihim ila manazilihim wa ad-dukhul alayhim fi buyutihim wa muwakalatihim wa musharabatihim wal uns bihim wal inbisat ma'ahum wa tawliyatihim fil a'mal min ta'limin wa ghayrihi la farqa 'indahum baynahum wa bayna ahli as-sunnah na'udhu billahi min al-khudlan wa 'amal basira. Ha'oula ils ont khalif as-salaf, donc ils se sont mélangés à ahli al-bid'ah. Il les invite. Bel, كثير منهم eux-mêmes, c'est des mauvais tadi'a l'un. À force de se mélanger, ils sont devenus comme eux. فقال رحمه الله لا فرق عندهم بينهم وبين أهل السنة. Bel, on vit à une époque, نحن, أن هؤلاء يبغضون أهل السنة. Et ils auraient la même attitude qu'ils ont avec أهل البدع, avec أهل السنة. Ça serait très très grave. Et on a se mélanger aux innovateurs, ça fait beaucoup de mal. Lakin, بعض الشر سأهون. Amma, à notre époque, هؤلاء, ils se mélangent à Ahlul Bida. Et ils mangent avec eux, ils les fréquentent. ويطعنون في أهل السنة. C'est ça, حال كثير, هؤلاء. لماذا? لأن الدنيا. لأن avec le Mubtadi', ils trouvent deux choses. Ils trouvent الدنيا en général. Argent et autres. Et كذلك, le mubtadi, il ne va pas lui dire ne fais pas ça. Délaisse ça. Ne parle pas avec un tel. Al mubtadi, en général, ils sont daïfs fil nusr, wa fil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Et on a déjà cité un. كثير من أهل البدع عن الخبق يسمع على مذهب الإخوان منهج الإخوان بلتو نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أي شكرا on est d'accord on s'entraide et nos divergences on se tait c'est pour ça qu'ils s'entendent لأن ils vont s'entraider خاصة فيما يتعلق بالمال la demande de dons les دورات دورات كذا les voyages les dons يتعاونون et autre. Amma as-sunni là, as-sunni yata'awun ma'ak, lakin fil haq, si tu as fait une bid'a, il va te dire c'est une bid'a. Si tu te mélanges avec une personne mauvaise, il va te dire yihzar. Si tu veux pas écouter, va. Fa, rubbama si ya une maslaha kama taqaddam ila akhiri, tu deviens, cette personne elle devient elle-même min al-mubtadi'a, fa rubbama hajrun. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas ahl as-sunna. Vous avez remarqué que la yantaqidun ala ahl as-sunna manque de ilm. تلاحظ أن أهل البدع كثيرا ne peuvent pas répondre à أهل السنة من حيث العلم خاصة العلماء الأئمة كالشيخ الألباني إلى آخر يديز مثلا الشيخ الألباني ما شاء الله سلام محدد c'était من أئمة الجرح والتعديل رحمة الله عليه il a répondu à beaucoup d'أهل البدع لكن بعضهم ils vont citer ce genre de شبهة لكن le fait de parler sur les gens c'est pas كذا إلى آخر عيدا بالله ils peuvent pas انتقد العلم ils peuvent pas dire الشيخ الألباني c'est un جاهل أبدا أو الشيخ مقبل رحمة الله عليه ستانين يغو أبدا كيسك ديز شو الشيخ مقبل نعم إلا دو عيم سامو حديث لكن لفت دو كريتيكي أنتل فهذا سيسا كيزم با عند أهل السنة أما نحن فالحمد لله سوى النعمة ستو عريبا بخوفيتي دان سافان أو دان طالب علم يتدي أبتل إلي موفي بس كلا تل شوز بشرط يبعل بعلم سي النعمة تدوى لغمرسي تدي بارك الله فيك تما منتخي تما ايدي لكن on a conseillé كثيرا في هذا الباب هؤلاء pensent beaucoup à eux pensent pas aux autres si quelqu'un il s'égare tout ça au nom du bon comportement le bon comportement c'est que tu montres à ton frère c'est ça le bon comportement c'est que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même et là chaque fois personne aime pour lui-même l'égarement enfin le fait de mettre en garde contre un mubtadi il n'y a aucun mal le mal c'est de parler bila ilm même si quelqu'un prouve et dit tu as parlé injustement tayyib أما لا تبعل با ميم ستادو علم سي با المومون فهذا سي باطل يا بك هؤلاء سي جامي المومون سي جامي المومون لأنهم يفل با دو هذا المنهج سي بور سا ك عدوهم الكبير دو توس المبتدعة الصوفية الأشاعرة الإخوان التبلية التكفيريين لوغ عدو كيزون أون كومان سي أهل السنة السلفيون لا كوز سي سكون فيان دو سيتي أنسومبل قال وقد صار تقريب أهل البدع وتوليتهم في وظائف التعليم والوثوق بهم في ذلك سببا في إفساد عقائد كثير من المتعلمين وأخلاقهم نعم ذكر أهل البدع ils ont pris des places dans l'enseignement dans les écoles dans les universités dans les masajid beaucoup de gens ils ont été touchés par leur mal c'est pour ça qu'on a fait attention تستفيد من هذا on a fait attention à toi et à tes proches toi si tu veux apprendre et il n'y a qu'une école, maintenant la ville où tu es, il n'y a qu'une école, il n'y a que des bid'as. Ils ne font pas partie d'Ahl al-Sunna. Ou le masjid, il y a des cours, ce n'est pas Ahl al-Sunna. Reste ignorant, c'est mieux. Si tu restes ignorant, tu as un udr, indallah, tu es excusé. Tu ne savais pas et tu n'as pas pu te rendre dans un endroit où il y avait du ilm qui est fondé sur le Coran et la Sunna. Tu es excusé, bi'idhnillah. Et à notre époque, wallah ilham, tu as beaucoup de moyens pour apprendre. Amma, apprendre. شيء من العلم سواء العرب او اخر او التجويد الى اخره عند منحرف لماذا لانه سج علم الى اخره فهذا سي تري تري غراف خاصه من الجاهل ربما اون شوز اون كلمه رونت دون طون كور وعياذا بالله تزيغ وكذلك ceux qui fréquentent هؤلاء بعضهم يدي سي كو pour la langue arabe ta en envers le bid'a albasra et ton amour envers le sunna ربما يضعف un frère il va venir il va le critiquer بحق ربما ستتوشي لماذا لأنه تبخفت دلوي هنا المرض à partir de ce moment la maladie elle commence celui qui est dérangé quand واحد critique un innovateur qui vérifie son cœur pourquoi être dérangé s'il parle بحق avec justice et critique cet innovateur à cause de cette bid'a نعم ف فلهذا نحن نقول دائما أن أفكار با بزوان دو أبخوند عند هؤلاء. أما لزنفان فسي المصيبة. L'enfant, ouais, il ne connaît pas Moubtadir ou Sunni. L'enfant, il ne connaît pas ces choses. Son professeur, ouais, il apprend. Robama, ça fait des liens. Et c'est une moussaïba. Et Robama, des bida, elle rentre dans son cœur. Fal insan yattaqillah. Qala. Wa akhlaqihim fatarahum la yubaloun bittark al-ma'mourat. Wa la birtikab al-manhiyat. Fala hawla wa la quwata illa billah. Al-ali al-azim. Sahih. Anna ahl al-bida, ils ont un dhaf kabir fi tatbiq. Pourquoi awalan al-bid'a et kadalik ils ont ouvert un bab, ils ont délaissé la compréhension des salaf. Vous avez remarqué que chaque chose l'un indahum ya khilaf. Prends leur apparence. La barbe, il la taille ou il la rase, ils vont te dire mais c'est pas comme ça. Le prophète il a dit ça, mais ça veut dire ta'wilat, ils ont délaissé. S'habiller comme un musulman, le pantalon, Shir Fulan il a dit, mais à notre époque, kada, ils ont mis le pantalon. En apparence, ba'dhum, wallahi, tu différencies pas entre lui et un kafir. Robama c'est un prêcheur. Un innovateur, bien sûr. Prends d'autres. Habiter chez les koufars, non, mais en fait, la hijra, c'était kada. Ils habitent indal koufar. Prends le niveau nourriture, niveau livre, niveau prêcheur, non, mais écoute pas un tel. Non, mais Shir Fulan, il a dit, ils écoutent des moubtadi'a. Hatta shur, ou kathir min ash-shur ijtama'a fihim. À cause des ta'wilat. Très, très grave. Mais celui qui donne de l'importance au Coran et à la sunna, il revient à la compréhension des salafs. Prends la parole des salafs sur la barbe et tu verras si tu vas la tailler. Prends la parole des salafs sur le fait de ressembler aux koufars, d'habiter chez les koufars. Et plein d'autres exemples. Pardon, même la musique. La musique c'est haram, c'est wadih. Hatta inda al-awam. Wallahi, anna akthar al-awam, bel djull al-awam, ils connaissent pas ces masaïl. Musique pour lui c'est haram. Robama, il te voit passer ou tu entres dans une pièce, il l'éteint. Tu trouves ce munharif, ce mubtadi'. Ibn Hazm il a dit, ou Madriman il a dit, à la fin c'est permis. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam harrama. Ben Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-ghina. Lakin vous avez vu, celui qui veut en haqiqa trouver un khilaf dans beaucoup de masaïl, il va le trouver. Et ahlul bid'a, c'est ça leur hal. Amma sunni là, il ne regarde pas qui c'est qu'a dit un tel. Est-ce qu'il y a une preuve qui interdit la musique? Cheikh Al-Albani, il a écrit un livre, rahmatullah alayhi. Fi tahrim alat al-lahwa wa al-ma'azif, etc. Rahmatullah alayhi. Et des versets clairs et des hadiths, il a arrêté. Lakin, al-hawa, al-insan, un tel il a dit, vu qu'un tel l'a dit, ça ouvre une porte. Et on peut citer des dizaines d'exemples. Enfin, la compréhension des salafs, bi-idhni azzawajal, c'est hifab contre toutes ces masaïbs, tous ces péchés, toutes ces innovations. قال ولا بارتكاب المنهيات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد روى الطبراني وابن نعيم وغيرهما بأسانيد فيها مقال عند عبد الله بن بصر رضي الله عنه مرفوعا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا تقدم إلى رسته هنا. نعم فيه مقال هنا قال نعم هذا ضعيف عن عبد الله بن بصر البخسدان ستع عن عائشة رضي الله عنهم هذا ضعيف أي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الجوزي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثله وتقدم ذكره قريبا. نعم. وروى ابو نعيم عن سفيان الثوري أنه قال لبعض أصحابه إياك ومجالسة أهل الجفاء ولا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصحب الفاجر ولا تجالس من يجالسه ولا تؤكل من يؤكله ولا تحب من يحبه ولا تفشو إليه سرك. Tout ça on le lit, toutes ces ma'ani taqaddamat ma'ana. Le fait de ne pas les fréquenter, de ne pas manger avec eux, de ne pas se confier à eux. ولا تبسم في وجهه ولا توسع له في مجلسك فإن فعلت شيئا من ذلك فقد قطعت عور الإسلام. Nasiha min a'imma. Haoula, il disait pas là, faut pas parler. Belle nasiha, tu veux ton bien à ton frère, montre. Il y aurait pas de bid'a, l'ulama, il parlerait pas. Ceux qui disent, il faut pas parler sur le muslimin, enlevez les bid'a et plus personne parlera. Enlevez les garments et personne parlera. On va pas critiquer des frères qui sont à la haqq, là. Les critiques des savants, c'est qu'il y a du shur. قال والله المسؤول أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم وأن يجعلنا جميعا ممن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويهجر أهل البدع والفسوق والعصيان لله إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا سند جميل. يتأمل قوله وشقف في الله. تصين خلاصة طيبة de cette رسالة. Tout ce qu'on a vu c'est في الله. Attention à هذا الباب حظوظ النفس. L'insan il en profite et il veut se venger ou il fait de l'injustice au nom de un tel c'est un innovateur, un tel c'est un cadre alors que c'est pas vrai. L'insan يحضر. هذا سبب عظيم. On l'a étudié ensemble لله الحمد avec des preuves du Coran, de la Sunna et des paroles de nos salafs. Tout ça, ça doit être l'illah. On fait attention. Fais attention à l'injustice. L'injustice envers un kafir, tu n'as pas le droit. Même si c'est un munharif, un mubtadi, un rafidi, tu n'as pas le droit d'être injuste. Fais le haq, c'est le haq. Amma, iyadam billah, se permettre des choses. Ba'danes, il se permet des choses. Il y en a foulain, c'est un innovateur. Robama, il ment, il parle sans source, il se moque des choses. L'intérieur, parce que c'est un munharif. Qui c'est qui t'a autorisé, même si c'est un munharif? Anta, tu n'es pas un munharif, tu dois suivre les preuves. Fais attention, ya ikhwan. Maintenant, ils se permettent des choses qu'ils ne pourraient pas faire avec d'autres. Maintenant, le mensonge, il ne va pas mentir sur son frère sunni, un mubtadi'. Il parle sans source, et robama des mensonges. Là, il joue. Tout ça, ça doit être fillah et bihaq. N'oublie pas ces deux choses. Fillah, la sincérité, et bihaq, al-ilm. Ces deux choses. Si tu veux parler bihad al-bab et comprendre hada al-bab. قال وهذا آخر ما تيسر جمعه والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وقد كان الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم السبت 13 شهر ربيع الأول من سنة 1383 وكم on a cherché cette date أحيانا. On voulait savoir à peu près quand est-ce qu'il a écrit le livre. Il décrivait la situation et on voulait comparer avec notre situation pour voir combien de temps de différence il y a entre nous et l'époque où Cheikh Hamoud avait écrit ce livre. Un, tu as la réponse. 1383. Et on est en 1441. Ça fait 40 ans, ça fait taqriban 60 ans. Rahmatullah Ali. Et il est mort en 1413. Il a fini ce livre en 1383, rahmatullah alayhi. ثم كان الفرغ من كتابه من كتابة هذه النسخة في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر من الشهر المذكور من السنة المذكورة. Ça montre que l'insan quand il écrit, فلا ينشر directement. انظر entre l'écriture, il a quand il a écrit le livre et après مراجعة هذه النسخة, il y a eu des mois. كذلك ستمنتخ ce petit passage, cette conclusion, l'importance de mettre des dates. Ça sert, quand vous commencez un livre, mettez la date. J'ai commencé ce livre, que tu lises ou que tu fais avec un mudarris, on a commencé le livre tel jour, telle date. Et quand tu finis, nafs shay, tu mets le jour et la date. هذا c'est nafi, ربما ça te servira plus tard. Ça te servira plus tard quand est-ce que tu as étudié ce livre, est-ce que tu as besoin de le refaire. Muhim, le fait de dater, al-ulama, ils le font souvent, et c'est muhim. قال على يد جامعها الفقير الى الله الى الله تعالى حمود هذه النسخه سي يكتب souvent بالكسر dans la pochette هنا في الغلاف سي بالفتح كثيرا إمة كسره حمود فينظر اما حمود سي مشهور قال حمود ابن عبد الله التويجري غفر الله له ولوالديه فنسال الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ حمود ويرفع درجته في المهديين ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. On peut faire la khulassa de هذه الرسالة. Et ça كذلك. On s'est souvent conseillé via هذا. Quand vous finissez un livre, faites la khulassa. أما tu fermes l'un et ربما on a mis à peu près 3 mois si tu enlèves la coupure qu'on avait eue, un peu moins 3 mois ربما pour faire ce livre. Il y a des choses, on les a dites avec la coupure, il y a 4 mois. Là, chacun n'a où. Ça part, c'est normal au début. Là, qu'il y a un khulasa de risala. Tu reprends les points importants. La risala, elle est divisée en 3. Ma yata'alak bil kuffar. Thumma. Deuxième chapitre, al-fussaq. Les croyants qui font des péchés. Thumma, le dernier chapitre, al-mubtadi'a, les innovateurs. Amma, al-kuffar fayajib bourduhum fillah. Mutlaqan. Chaque mu'min, il doit détester les kuffars. Mutlaqan, aucun amour pour eux, abda. Al mahabba tabi'iyya, celui qui a des proches, c'est autre chose. Amma mahabba tuddin, fala yajouz. Et كذلك الكافر لا يصاحب ولا يجالس إلا s'il y a une maslaha. Tous les abouabs qu'on a vus, est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux rester avec eux? Est-ce que tu peux lui rendre visite s'il est malade? Tout ça c'est permis s'il y a une maslaha. Wa uminat al-fitna. Et la maslaha, il faut qu'elle soit muhaqqaqa. Matalan da'wa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu visite à un juif. Hada ma yata'allaq bil kuffar. Le deuxième chapitre, al-fasiq fayajib bourdo par rapport à son fils. Et vu que c'est un mu'min, on l'aime parce que c'est un mu'min. Fafi al-mu'min al-fasiq yajtami' fihi al-mahabba wal-bughd. Les deux. On l'aime parce que c'est un croyant et on le déteste par rapport à ses ma'asi. Amma al-hajr fasi al maslaha. Et on a expliqué à notre époque, zaman al-dha'f al-ma'asi intasharat kathiran, fabab al-da'wa sanafi'. Khasatan si c'est pas, khasatan si il peut t'écouter, tu lui montres. Billati hiya ahsan wa tasbir alayhi. Amma directement al-hajr avec certains musulmans qui font certains péchés, fala yambari. Khasatan si il accepte. Pourquoi? Parce qu'on vit à une époque de dha'f. Amma à l'époque de quwa, comme à l'époque des salaf, celui qui faisait cette ma'asi, il était dha'if. فالهجر كان يؤثر فيه جدا اي ان جينيرال اي ريفوني اما ان اوتر ايبوك انقلبت الامور دونك هذا الباب لابد من تاني اما سي المصلحه عظيمه الانسان يسي كو سي في الهجره سو مسلم كي في سو بيشي فيسمع منه اي سا ليد ا ريفونير فالحمد لله يا دي بروف على هذا لو ترويزيام باب سي سولوي كون فيان دو تيرميني سور المبتدعه نفس الشيء سي سيت بدعه لمكفره فالى الحكم دو كافر. On le déteste fillah, complètement. Si cette bid'a ne rend pas kafir, ça reste un muslim, on le déteste parce que c'est un mubtadi, et on a de l'amour parce que c'est un muslim. Amma ma yata'alaq bil hajr, as-salama, c'est de ne pas se mélanger à ahl al-bid'a. Qu'il y ait une maslaha pour eux ou pour toi, ihdhar. Et si une maslaha de ne pas leur faire le hajr, il faut regarder les deux sens comme on a vu. مصلحته مصلحة المبتدع هي مصلحة أتوى أما voir que la مصلحة المبتدع et vouloir lui faire دعوة et on se fait du mal à nous, فهذا العلماء نبهوا عن هذا et on en a parlé pendant le درس. فالسلامة c'est de s'écarter. Même si l'insan il est مضطر à leur passer le salam dans certains endroits, de répondre, ça implique pas المجالسة والمضاحكة والمؤاكلة إلى آخر معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين.